Chapitre 4. Lydéric ne leur en donna pas le loisir, car le même jour il signifia à maître Mimer que, lui ayant moins 2 heures par jour donné les semaines de son temps en échange de sa barre de fer, ils étaient quittes. En conséquence, il emportait Balmung et allait courir le monde pour y chercher des aventures, comme faisaient les chevaliers qui venaient tous les jours acheter des armes à la forge. Mimer fit alors observer au jeune homme que ce n'était point assez d'une épée pour se mettre en route dans une telle intention, et qu'il lui fallait encore une cuirasse. Mais Lydéric lui répondit qu'une cuirasse lui était parfaitement inutile, attendu qu'après avoir tué le dragon, il s'était baigné dans son sang, ce qui le rendait invulnérable, à l'exception d'une seule place où était tombée une feuille de tilleul. Maître Mimer et Hagen auraient bien voulu savoir quelle était cette place, mais ils n'osèrent pas le demander à Lydéric, de peur de lui inspirer des soupçons. Ils prirent donc congé de lui avec les expressions de la plus cordiale amitié, et ayant, comme des Judas, le baiser sur les lèvres, mais la trahison dans le cœur. Lydéric chercha partout Peters pour lui dire adieu, mais il ne put pas le trouver. À 100 pas de la forge, il rencontra l'enfant qui l'attendait derrière un arbre. « Frère, lui dit l'enfant qui croyait Lydéric son égal, mes compagnons de la forge me haïssent parce que je t'aimais. Je n'ose plus retourner auprès d'eux. Tu es fort et je suis faible. Veux-tu que je t'accompagne? Tu me défendras et je te servirai. Viens, dit Lydéric. Et l'enfant et le jeune homme se mirent gaiement en voyage. Ils marchèrent ainsi 15 jours, droit devant eux, sans savoir où ils étaient, mangeant des racines, buvant de l'eau, dormant au pied des arbres des forêts ou des bornes de la route, et confiant en Dieu, aux mains duquel ils avaient remis leur destinée. Vers le soir du 15e jour, ils arrivèrent dans un bois très épais et très magnifique, où ils entendirent les aboiements d'une meute et les cors des chasseurs. Lydéric se dirigea vers le bruit, car il était amoureux de tout amusement qui lui rappelait la guerre, et il arriva ainsi à un carrefour, où il vit un sanglier monstrueux, qui était acculé dans un bouge et qui tenait tête au chien. En même temps, un cavalier richement vêtu et qui était si bien monté qu'il précédait tous les autres chasseurs de plus de 2 traits de flèche, accourut par une des allées, un épieu à la main, et sans attendre sa suite, s'élança vers le sanglier qu'il frappa courageusement de son arme. Mais aussitôt, le sanglier, furieux de sa blessure, abandonna les chiens auxquels il faisait tête et, piquant droit à son antagoniste, il passa entre les jambes du cheval, dont il ouvrit le ventre d'un coup de boutoir, et cela de telle façon que ses entrailles en sortirent et tombèrent jusqu'à terre. Le cheval, se sentant si cruellement blessé, se cabra de douleur et se renversa sur son maître. Aussitôt, le sanglier, la soie hérissée et faisant claquer ses boutoirs, revint sur celui qui l'avait blessé. Mais Lydéric, d'un seul bond, s'élança entre l'animal et le cavalier renversé, et d'un seul coup de Balmung perça le sanglier de part en part. Puis aussitôt, courant à celui auquel il venait de sauver la vie, il le tira de dessous son cheval. Pendant ce temps, Peters coupait l'allure du sanglier et le présentait à Lydéric, qui la déposa aux pieds du chasseur, comme étant celui à qui elle devait appartenir de droit. En ce moment, tout le reste de la chasse arriva, et chacun, sautant à bas de cheval, s'empressa de demander au noble chasseur s'il n'était point blessé. Mais celui-ci, pour toute réponse, présenta Lydéric au seigneur qui l'entourait en leur disant « Que ceux qui sont aises de me voir sain et sauf remercient ce jeune homme, car c'est à lui que je dois la vie. » Aussitôt, tous les chasseurs entourèrent Lydéric en lui faisant force compliment, que Lydéric leur laissa faire en les regardant, tout étonné d'être ainsi félicité pour une action qui lui avait paru à lui si simple et si naturel. Enfin, les félicitations allèrent si loin que Lydéric, croyant ces gens fous, demanda dans quel pays il était et quel était l'homme auquel il venait de sauver la vie. Les courtisans lui répondirent qu'il était dans la forêt de Brenne et que celui auquel il venait de sauver la vie était le roi Dagobert. Lydéric, qui connaissait par renommée la sagesse et le courage de ce prince, dont le nom, en langage teutonique, voulait dire « brillante épée », s'avança alors modestement vers lui, et mettant un genou en terre, il lui fit un compliment si bien tourné que Dagobert, voyant qu'il avait affaire à un jeune homme d'une condition plus distinguée que ne l'indiquaient ses vêtements, le releva aussitôt en lui demandant à son tour d'où il venait et qui il était. « Hélas, sire, dit Lydéric, je ne puis répondre qu'à la première de ces 2 questions. Je viens du bois sans merci, qui est situé dans les environs du château du prince de Buc, sans m'être arrêté autrement que 6 semaines à la forge de maître Mimer pour me forger cette épée. Quant à ce qui est de ce que je suis, je ne me connais pas moi-même, ayant été trouvé sous un buisson près de la fontaine de Sceaux par un digne et bon ermite qui m'a élevé et dont, vivant, je n'eusse jamais quitté la personne, ni mort, la tombe, si un rossignol ne m'avait dit que le premier devoir d'un enfant était de chercher à connaître sa mère. Alors je me suis mis en route, m'en rapportant à Dieu du choix du chemin. Dieu a choisi le bon, puisqu'il m'a conduit ici assez à temps pour sauver la vie au plus grand roi de la chrétienté. Oui, tu as raison, mon enfant, et c'est Dieu lui-même qui t'a conduit ici, reprit le roi Dagobert. Car peut-être pourrais-je t'apprendre ce que tu ignores. Éloi, continua le roi en se tournant vers le digne évêque de Noyon, qui était tout à la fois son orfèvre, son trésorier et son ministre, qu'avez-vous fait de la lettre que nous avons reçue ce matin même de notre vassal, la noble princesse de Dijon, d'Amer Mangard de Salvar, dont nous avions mis la principauté en tutelle, la croyant morte, et qui n'était que prisonnière du prince de Buc? La voici, sire, dit Éloi. C'était une lettre que la princesse de Dijon avait enfin réussi à faire parvenir au roi par un des hommes d'armes du prince de Buc, qu'elle avait séduit en lui donnant une bague qui valait bien 6 000 livres tournois. Le roi prit la lettre et la lut. C'était mot pour mot le récit de la manière dont son mari et elle avaient été attaqués dans la forêt sans merci par le prince de Buc et ses gens. Puis elle racontait la façon dont elle s'était laissée glisser de cheval avec son enfant, comment elle avait déposé cet enfant qui était un garçon dans un buisson près d'une fontaine ombragée par des saules, puis enfin comment, dans l'espérance que Dieu veillerait sur lui, elle l'avait laissé là pour rejoindre son mari blessé, lequel était mort dans la nuit suivante. Depuis ce temps, elle était prisonnière du prince de Buc et n'avait jamais voulu consentir à aucune rançon, regardant la principauté de Dijon comme l'apanage de son enfant. En conséquence, elle suppliait le roi Dagobert, non pas de l'avenir délivré, car elle ne voulait pas entraîner son suzerain dans une guerre avec un vassal si puissant que le prince de Buc, mais de faire chercher son fils, qui devait avoir 18 ans, et de lui rendre la principauté de Dijon qui était l'héritage de son père. Elle espérait qu'on reconnaîtrait cet enfant un chapelet qu'elle lui avait roulé autour du cou, lequel chapelet soutenait une médaille à l'effigie de la Vierge. Pendant tout le temps qu'avait duré la lecture, Lidéric avait écouté, les mains jointes et les larmes aux yeux. Mais lorsque le dernier paragraphe fut fini, il poussa un grand cri de joie et, ouvrant son habit, il montra au roi la médaille et le chapelet. Le roi Dagobert avait d'abord voulu faire du meurtre de Salvar et de l'emprisonnement d'Ermengarde par le prince de Buc une affaire de suzerain à vassal. Mais Lidéric, se jetant à ses genoux, avait réclamé, comme un droit lui appartenant, la vengeance de son père et de sa mère, et cela avec tant d'instance qu'il avait été forcé de lui accorder sa demande et qu'il avait autorisé Lidéric à défier Finard, promettant de plus au jeune homme que si Finard acceptait le défi, il l'armerait lui-même chevalier et se déclarait d'avance son parrain. En conséquence, Dagobert ordonna que le héros de France se tînt prêt pour aller défier le prince de Buc. Mais cette fois encore, Lidéric lui fit observer que, puisque c'était une affaire particulière, c'était un héros particulier qui devait porter ses lettres de défiance. Dagobert se rendit à ses raisons et laissa Lidéric libre de choisir son héros, se chargeant seulement de lui donner une suite digne d'un prince. Lidéric choisit Peters, car quoique l'enfant eût à peine 14 ans, il connaissait tellement la grande amitié qu'il lui portait qu'il se fiait plus à lui qu'à qui que ce fût au monde. Peters partit accompagné de 6 écuyers et de 20 hommes d'armes, et traversant toute la Picardie, il entra en Flandre et vint jusqu'au château de Finard, qui s'élevait à l'endroit même où est situé aujourd'hui le pont de Fin, dans la ville de Lille qui, à cette époque, n'existait pas encore. Arrivé devant la porte, il s'arrêta avec sa troupe et sonna du cor. Alors la sentinelle sortit de l'échauguette et lui demanda ce qu'il voulait. Peters répondit au soldat qu'il n'avait pas affaire au balai, mais au maître, et qu'il eût à aller chercher son maître. Si hautaine que fût cette réponse, comme il était facile de juger, d'après la suite de celui qu'il avait faite, qu'il avait le droit de parler ainsi, le soldat alla prévenir le prince de Buc. Celui-ci, qui était en train de déjeuner, se retourna de fort mauvaise humeur en voyant entrer ce message, car il n'aimait pas à être dérangé pendant ses repas, si bien qu'il y avait des peines très fortes contre ceux qui se permettaient de contrevenir à ses ordres. En conséquence, il avait déjà donné l'ordre à deux de ses gardes de saisir le soldat et de le battre de verges, lorsque celui-ci lui fit observer bien humblement qu'il n'avait pris la liberté d'entrer que parce que celui qui l'envoyait était suivi d'écuyers à la livrée du roi de France, ce qui était facile à voir aux fleurs de lys sans nombre qui parsemaient leurs manteaux. À ces mots, le prince de Bucq se leva vivement, et comme le roi de France était son seigneur suzerain, et qu'il connaissait sa sagesse et son courage, il n'eût voulu pour rien au monde se brouiller avec lui. Il se rendit donc sur le rempart pour s'assurer si le soldat lui avait bien dit la vérité, et s'il n'avait pas été trompé par quelque fausse apparence, mais au premier coup d'œil qu'il jeta sur la troupe qui était arrêtée devant la porte du château, il vit bien, comme le soldat, que ceux qui étaient là venaient de la part du roi Dagobert. En conséquence, il donna aussitôt l'ordre de baisser le pont-levis, afin de recevoir avec tous les honneurs qui lui étaient dus celui qui venait au nom de son suzerain. Mais Peters, ayant entendu cet ordre, étendit la main en signe qu'il voulait parler. Chacun écouta. « Prince de Bucq, dit Peters, il est inutile que tu fasses lever la herse et baisser le pont-levis, je n'entrerai pas dans ton château, car ton château est celui d'un traître et d'un meurtrier. Écoute donc d'ici et à la face de tous ce que j'ai à te dire. Je viens, au nom de ton seigneur suzerain, le très grand, le très bon, le très noble roi Dagobert, te dire qu'il te somme d'avoir à répondre d'ici en un mois, devant les pairs du royaume assemblé, aux charges et accusations que porte contre toi mon maître, le très haut et très puissant seigneur Lidéric, prince de Dijon, fils du très noble prince Salvar et de très vertueuse dame Ermengarde. Premièrement, touchant le meurtre de son père traîtreusement assassiné par toi dans le bois sans merci, et secondement, touchant la détention injuste et cruelle que depuis 18 ans tu fais subir à sa mère. Si mieux tu n'aimes toutefois accepter l'offre que, sous la protection du roi, te porte le seigneur Lidéric, mon maître, du combat outrance à pied ou à cheval, avec la lance, l'épée ou le poignard. Et en signe de défi, voici le gant que mon maître me charge de clouer à la porte de ton château. » Et se disant, il s'avança jusqu'à la porte sur son cheval, et faisant ce qu'il avait dit, il y cloua le gant avec son poignard. Si insolent que fût ce défi, le prince de Bucq, qui savait dans l'occasion être patient comme un anachorète, écouta d'un bout à l'autre avec un calme apparent. Puis, quand Peters eut fini, « C'est bien, lui dit-il, retournez vers le roi mon seigneur et maître, et l'assurez de ma part que je n'ai commis ni félonie ni trahison. Le prince de Salbar est tombé dans un combat et non dans un guet-apens. Au reste, j'accepte le défi de celui qui m'accuse, et l'issue du combat prouvera, je l'espère, de quel côté est le bon droit et la vérité. » Quant à la princesse Ermengarde, dont celui qui vous envoie réclame la liberté, dites-lui que je lui offre de vider notre différend ici même, afin que s'il a le dessus, comme il s'en vante follement, il n'ait pas la peine de se transporter trop loin pour la délivrer. Et maintenant, si vous voulez entrer dans ce château, vous y serez reçu et traité comme à droit de l'être, chez un vassal, l'envoyé de son souverain. » Mais au lieu d'accepter cette offre, Peter secoua la tête, ayant sonné une seconde fois du cor en manière de congé, il repartit au galop avec toute sa suite et vint rapporter au roi Dagobert et au prince Lidéric la réponse de Finard. Rien ne pouvait être plus agréable au jeune homme que cette réponse que Finard avait faite, non pas que ce dernier comptât sur son bon droit, mais se fiant sur sa force. Il demanda donc à Dagobert d'activer autant que possible les préparatifs de son voyage, ayant hâte de délivrer sa mère. Pendant ce temps, le prince de Bucq, qui avait ignoré jusque-là qu'il eût un héritier du nom de Salvar, fit descendre Ermengarde et lui demanda ce que c'était qu'un certain Lidéric qui se faisait passer pour son fils et qui, sous la protection du roi de France, était venu le provoquer au combat. Alors Ermengarde, pour toute réponse, tomba à genoux, remerciant Dieu avec une telle expression de reconnaissance que Finard n'eut plus de doute que le héros n'eût dit la vérité. Alors il demanda à la princesse comment il se faisait qu'elle ne lui avait jamais parlé de ce fils, et Ermengarde répondit que c'est qu'elle avait craint qu'il ne s'en emparât et ne le fît mourir, mais que puisqu'à cette heure il était sous la protection d'un aussi grand roi que le roi des Francs, et par conséquent n'avait plus rien à craindre, elle pouvait tout lui dire. En effet, elle lui raconta comment les choses s'étaient passées. Finard demanda alors quel âge avait ce fils. Ermengarde répondit qu'il pouvait avoir 18 ou 19 ans, et Finard se mit à rire, car il lui semblait étrange qu'un enfant de cet âge vînt s'attaquer à lui, qui était dans toute la force de la virilité et si expert dans les armes, qu'à son lieu à la ronde, nul homme peut-être n'eût osé se mesurer contre lui. Il attendit donc avec une tranquillité parfaite l'arrivée de son adversaire, convaincu qu'il en aurait bon marché. Il était dans cette persuasion lorsqu'un matin, la sentinelle vint lui dire qu'on apercevait une grosse troupe de cavaliers qui s'avançait vers le château de Buc. Finard monta aussitôt sur une tour, et ayant bien reconnu que c'était le roi de France et sa cour, il fit ouvrir les portes et s'avança au-devant de lui avec toute sa garnison, mais tête nue et sans armes, comme il convenait à un vassal devant son maître. À la droite du roi était Lidéric, monté sur un magnifique cheval que lui avait donné le roi, et dont les housses de velours frangées d'or traînaient jusqu'à terre. À gauche était le digne évêque de Noyon, dont Dagobert ne pouvait se passer un seul instant en ce qu'il le consultait sur toute chose. Finard, après avoir jeté sur Lidéric un regard rapide mais scrutateur qui le rassura encore, vu son extrême jeunesse, invita toute la chevauchée à entrer au château. Mais Dagobert répondit qu'une accusation d'assassinat et de forfaiture pesant sur lui, il ne pouvait entrer dans son château tant qu'il n'en serait pas lavé. Alors Finard répéta ce qu'il avait déjà dit, que la mort de Salvard était la suite d'un combat et non d'un guet-apens, et qu'Ermengarde n'était restée prisonnière qu'à la suite de démêlés d'intérêts, ne voulant pas lui rendre, à lui, Finard, certaines portions de la principauté de Dijon sur lesquelles il prétendait avoir des droits. Mais Lidéric ne put supporter plus longtemps qu'un mensonge si évident fût proféré devant lui. « Sire, dit-il en s'adressant au roi, cet homme ment par la gorge. D'ailleurs, je ne suis pas venu, avec la permission de votre majesté, pour écouter ses raisons, mais pour mesurer mon épée avec la sienne. Que votre majesté veuille donc bien ordonner que les préparatifs du combat soient faits à l'instant même, car depuis 18 ans ma mère est prisonnière et attend l'heure à laquelle elle reverra son fils. » « Vous entendez ? Dit le roi en se tournant vers le prince de Buc. « Oui, sire, répondit Finard, et je n'ai pas moins de hâte d'en venir aux mains que celui qui m'accuse, et la fin du combat, je l'espère, me sera plus agréable encore que le commencement. » « Que l'on prépare donc à l'instant la lice, dit le roi, et que chaque champion songe à mettre sa conscience en repos, car le jugement de Dieu aura lieu demain matin, et malheur à celui que le Seigneur appellera pour l'interroger sans qu'il soit préparé à lui répondre. » Finard s'inclina et rentra dans son château. Le roi Dagobert fit poser ses tentes à l'endroit même où il était, et l'espace qui se trouvait compris entre le camp royal et la forteresse princière fut désigné pour la lice.